Ok, moi j'ai tiré des traits, au lieu de retirer l'épée du fourreau, on fait que courir après l'oseille sur tous les ratés. Problème, pas de time pour les soirées mondaines. On n'a jamais été pourri gâté. Ma main, ma volonté, c'est la même que la plupart des gens. Faire ce que j'aime, monter une affaire pérenne. Carpe diem, voilà y'a un pote qui me pipe. Frérot, faut pas que je traîne, ni que je freine. Bientôt mon logo sur le pull, mon son sur les bandes FM. Amen, toujours la même, faut que je me retienne. C'est la galère, la banque est pleine. Dans mon crâne c'est dégaine. Écoute, je te résume le thème. Je veux plus douter, voir ma belle. Mais ce soir tout est noir ma belle. J'ai besoin de tracer, je connais ma ville. Je connais ma ville. Moi je connais ton passé, le condé m'a dit. À la recherche du bonheur, les secours, je navigue. Sache-le. Y'a que pour les miens que je pourrais donner ma vie. Je veux plus douter, voir ma peine. Mais le devoir m'appelle. Foutez-moi la paix. Ce soir tout est noir, ma belle. Je veux plus douter, voir ma peine. Mais le devoir m'appelle. Foutez-moi la paix. Ce soir tout est noir, ma belle. Je veux plus douter, voir ma peine. Mais le devoir m'appelle. Foutez-moi la paix. Ce soir tout est noir, ma belle. Je veux plus douter, voir ma peine. Mais le devoir m'appelle. Foutez-moi la paix. Ce soir tout est noir, ma belle. J'aimerais partir loin de ce putain de scénar. Ouais, je me barcilla. Une bonne au cassine là, un conseil fonce mec, n'attends pas le signal. Phrase phase assassine, devant le micro je ne manque pas ma cible. Ça c'est pour mes mal assis, je serai toujours fou même s'ils mettent à la cible. Nostalgique de la vie de quartier, mais j'avais qu'une envie, partir. Sombre le décor, respecte les codes, fais con et tu seras vite cartri. De ton oseille j'en ai rien à taper, je tremperai plus dans tes putains d'affaires. Le cerveau cramé, ça y est c'est foutu, tout le monde sait bien qu'il n'y a plus rien à faire. Pour un bon y'a mille tarpas, un gros billet même ton ami t'as pas. Pour monter les échelons t'as servi t'as pas. Bouge-toi, arrête de chialer sur la vie que t'as pas. Je veux plus douter, voir ma peine. Voir ma peine. Mais ce soir tout est noir ma belle. Noir ma belle. J'ai besoin de tracer, je connais ma ville. Je connais ma ville. Moi je connais ton passé, le condé m'a dit. À la recherche du bonheur, les secours, je navigue. Sache-le. Y'a que pour les miens que je pourrais donner ma vie. Je veux plus douter, voir ma peine. Mais le devoir m'appelle. Foutez-moi la paix. Ce soir tout est noir, ma belle. Je veux plus douter, voir ma peine. Mais le devoir m'appelle. Foutez-moi la paix. Ce soir tout est noir, ma belle. Je veux plus douter, voir ma peine. Mais le devoir m'appelle. Foutez-moi la paix. Ce soir tout est noir, ma belle. Je veux plus douter, voir ma peine. Mais le devoir m'appelle.